Voilà ce que j'éprouve lorsque le mot colère, lorsque la colère arrive à mes oreilles, que ce soit ma propre colère ou celle des autres. C'est à ce moment précis que nous redevenons des animaux. C'est à ce moment précis que nous redevenons des êtres faibles, des êtres apeurés. Tout ça parce que nous n'arrivons pas à assouvir un besoin, une nécessité, parce que nous ne sommes pas écoutés ou pas ceci ou pas cela. Alors l'ignorance, mon ignorance, va faire que je n'ai pas d'autre moyen d'expression que la colère. Donc je vais vous donner une petite définition très simple de la colère. La colère est toujours le fruit d'un besoin non assouvi. La colère est toujours le fruit d'un besoin non assouvi. Elle est aussi le fruit, ou la conséquence plutôt, de la peur et de la faiblesse. Alors pourquoi la peur ? Peur de ne pas être reconnu, peur du devenir, peur de tout un tas de choses, peur de la mort, peur, voilà, quelle que soit la source de cette colère, en corrélation avec. Et pourquoi la faiblesse ? Parce qu'à ce moment précis, je n'ai pas d'autre capacité comme moyen d'expression si ce n'est la colère. La colère est un caprice de l'ego. Nous avons effectivement en nous un besoin, ce qu'on appelle un besoin endogène, hein, je l'ai souvent expliqué, un besoin d'être entendu, d'être reconnu, d'être aimé, d'être validé. Et lorsque le moi exprime quelque chose et qu'il ne reçoit pas cette validation, cet amour en retour, s'il n'est pas stable l'esprit, s'il n'est pas aguerri à la bienveillance, au calme, à l'harmonie, à la paix, etc., à la compassion, il va se mettre en colère. Alors, soit il va se mettre en colère en extériorisant des choses, soit il va se mettre en colère et intérioriser et se muer dans un silence profond. Dans les deux cas, c'est la même chose. Il y a agitation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans certains concepts thérapeutiques, notamment dans des concepts psychothérapeutiques, on va dire que la colère est bénéfique. Ils vont dire, pardon, puisque ce n'est pas ma pensée en tout cas, ils vont dire et vont exprimer que la colère est bénéfique. Et vous pouvez vous rendre compte que lorsque vous avez exprimé une colère, ben ensuite il y a comme une petite touche de culpabilité, hein, d'avoir crié, puis d'avoir exprimé des mots des fois qui dépassent la pensée, puisqu'il y a une perte totale de contrôle, voire des gestes. Hein. Il faut savoir que il y a eu énormément de personnes décédées suite à des colères, hein, qui ont subi la colère de l'autre, et dans des gestes déplacés, sont tombés, ont été poussés, ont reçu des coups de couteau, des fers à repasser dans la tête, j'en repassais des meilleurs. Donc la colère, la perte de contrôle peut aller loin. Hein. Et donc il y a cette petite touche de culpabilité après, de ramollissement total de l'ego, et l'ego est tout penaud, comme vidé de toute énergie, et il se met dans son coin, et après il va s'excuser. Hein, s'excuser d'avoir mordu, s'excuser d'avoir fait du mal à l'autre. Hein. Et donc, après cela, il est bon de savoir encaisser et d'en payer les conséquences, puisque si on prend, admettons, un exemple parmi une infinité d'exemples, un couple, puis l'un se met en colère parce qu'il n'est pas entendu ou pas aimé, il va exprimer son mécontentement, et ainsi de suite. Donc, il se passe ce qui se passe, et puis au bout d'un certain moment, à force d'action de colère, les couples se déchirent, se séparent. Hein? Tout ça parce qu'ils n'ont pas eu l'intelligence d'apprendre à communiquer et d'apprendre à s'écouter. Hein? La dernière conférence, c'était apprendre à écouter. Bon, ben voilà, hein? Aujourd'hui, c'est la colère, donc c'est un continuum. Hein? On est vraiment dans la suite logique, je ne sais pas écouter et j'exprime mon mécontentement. Hein? Donc, nous sommes pleinement responsables de cela, individuellement. Individuellement, mon ignorance me pousse à exprimer les choses comme je peux le faire. Alors, il y a quand même certaines questions à se poser. Quand on arrive à cet état de questionnement, c'est déjà très bien de se poser des questions sur le fait que moi, je ne veux plus me mettre en colère. Pourquoi cette colère? Donc, je ne vais pas chercher la cause dans ma petite enfance, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais par contre, je vais réussir à développer des qualités qui vont me permettre de chanter cette colère. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui pousse l'individu à être en colère? C'est son ego. Ce n'est que son ego. Voilà, il n'y a pas autre chose que le moi qui se met en colère. Alors, l'ego, dans son ignorance, il se met en colère par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, mais aussi par rapport à lui-même la plupart du temps. Il y a des gens qui se mettent en colère parce qu'ils essayent de bricoler un truc, ils n'y arrivent pas, et du coup, ils se mettent en colère, et ils jettent tout, ils cassent tout, c'est infernal. Voilà. Il y en a qui jouent, ils jouent, font des jeux de société, ou ils jouent devant la télé, ou je ne sais quoi, et parce qu'ils perdent, ils finissent par tout casser, à casser la télé, à envoyer le jeu valdinguer, voilà. Alors ça, c'est formidable. Non, mais l'humain est complètement... il est très particulier, l'humain. Dans des repas de famille. Qui n'a pas vécu ça dans les repas de famille? Tu vas voir ceux que tu aimes. Ceux que tu aimes t'invitent à manger. La tradition veut que tu bois un petit verre, deux petits verres. Et puis là, les esprits s'échauffent. Et ça se finit, comme on dit, en queue de boudin. Presque... Les verres, les saladiers, ça vole dans la tronche. Voilà, la fête de Noël, il y a le feu au sapin, les cadeaux brûlent. Enfin, c'est la guerre dans l'appartement, quoi. Je vais un peu loin, là. Hein? Ceci dit, pas si loin que ça. Combien de familles se déchirent à cause de la colère? Donc, c'est toujours un problème d'ego. C'est toujours un problème d'ego, voilà. Quelqu'un exprime quelque chose, veut dire non, ce que tu fais c'est pas bien, mais pourquoi c'est pas bien ce que je fais? Et pourquoi tu ne reconnais pas ce que je fais alors que je le fais avec le cœur, etc., etc. Ça part de rien et ça finit en un volcan en éruption, l'ego. Bienvenue dans le règne de l'ego, voilà. Alors on va trouver une légitimité à la colère. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'humain va essayer de trouver une légitimité à sa colère. Donc forcément, il va pas se remettre en question. Il va pointer du doigt. C'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon frère, de ma sœur, de mon ami, de mon amant, de mon amour, de mon mari, de ma femme, de mon collègue, de mon prof, de... Voilà. C'est toujours la faute de quelqu'un ou de quelque chose. C'est vrai, c'est limité à 50, je roule à 85, je me fais arrêter par les fonctionnaires de police. Je trouve une excuse en disant « je suis pressé, tatatitatater ». Oui, mais monsieur, vous roulez à 85 au lieu de 50, donc vous avez une contravention. Et là, je me mets en colère. Voilà. Parce que je suis pas capable d'assumer ma responsabilité. Donc, c'est toujours la faute de quelqu'un. Et là, je vais me mettre à insulter le gars qui fait son travail. Parce qu'on lui a demandé, c'est sa fonction de faire ça comme ça. Un exemple. Mais un exemple qu'on retrouve parmi tout, partout, tout le temps. Donc, on essaye de justifier sa colère en pointant du doigt ce qu'il y a à l'extérieur. Je n'assume pas ma responsabilité. Et ça, c'est intéressant. Déjà, rien que ça, d'essayer de concevoir cela, c'est juste extraordinaire. Je ne suis pas bien dans ma peau, je suis en colère contre la société parce que la société me juge. Mais non, la société, elle te juge pas, la société. Il y a personne qui te juge. C'est toi qui imagines que la société te juge. Parce que tu penses que tu ne réponds pas, que tu ne réponds pas aux critères de la société. Mais il n'y a pas plus de critères que ça dans la société. Il y a ce que, encore une fois, comment tu te sens à l'aise dans ta peau, comment tu te sens bien avec toi-même et ce que tu en fais. La colère est extraordinaire. Étudier sa colère, c'est se connecter directement, c'est-à-dire que c'est la porte d'entrée directe à l'ego. Voilà. La colère, c'est simple. La colère, c'est tellement simple que j'en ai même pas parlé dans les afflictions mentales du parcours introspectif. Tellement c'était simple, la colère. Qui, une fois dans sa vie, ne s'est pas mis en colère? Voilà, qui? Hein? Ça veut dire que qui, une fois dans sa vie, n'a pas fait preuve d'ego? Alors, le but, bien sûr, c'est pas de porter un jugement sur la colère, puisque nous sommes tous, mais tous ici, présents, sur le même radeau, dans le même lot, et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, plutôt que de porter un jugement et puis de me faire du mal encore, alors que je m'en fais assez comme ça, je vais essayer de trouver une voie, une façon de penser qui va me permettre de voir la vie et de voir les choses différemment. Et là, on va revenir sur une thématique qui, à mon sens, encore une fois, mais ce sont des pistes de réflexion, donc voilà, je vous exprime cette réflexion et vous en faites ce que vous voulez après. Mais le point culminant du changement, c'est-à-dire que ce qui va permettre le changement, on en a parlé en atelier philo mardi, c'est l'accueil. L'accueil. Apprendre à accueillir. Mais pour pouvoir accueillir ce qui se passe autour de moi, dans un premier temps, je dois apprendre absolument à m'accueillir. La plupart du temps, quand les personnes tombent dans leur souffrance, dans leur drame, c'est qu'ils ne s'accueillent pas. Ils se jugent. Ils se font encore plus de mal que le mal qui les ronge. Parce qu'en fait, le mal qui les ronge n'est qu'une illusion. Cet après-midi, j'ai eu une discussion avec un ami sur justement la souffrance. Parce qu'il était en souffrance. Je ne le citerai pas, il va se reconnaître. Et donc, j'ai pu lui expliquer très simplement que en nous, la souffrance n'existait pas nulle part. Alors ça va choquer peut-être les personnes qui sont en souffrance, mais en fait la fin de la phrase c'est quoi? C'est qu'en nous il n'y a rien qui est souffrance. Alors en nous il y a quoi? Il y a des organes, il y a des cellules, il y a de la matière, il y a de l'énergie, il y a du courant, il y a tout un tas de choses qui créent de l'alchimie, mais il n'y a pas de souffrance. Pourquoi? Parce que la souffrance on se la crée. On se crée des mécanismes qui nous font souffrir. Mais il n'y a pas de souffrance. En fait, si on va plus loin dans le raisonnement, je ne suis pas là pour éradiquer mes souffrances puisqu'elles n'existent pas. Je suis là pour éradiquer les mécanismes qui me créent de la souffrance. Et ça, c'est un point de compréhension très, très, très important. La souffrance est une totale création, une totale illusion de notre ego, de notre esprit. Totale. Si j'en ai la conviction, si j'en ai la force, si j'en ai la volonté, l'énergie, je peux, si je le décide, ne plus jamais souffrir de rien. Alors peut-être qu'on va me prendre pour un innocent les mains pleines, hein, pour un gagaoutchou, comme on dit, hein, dans le sud. Mais si je suis toujours joyeux et que je me concentre sur cette joie, et que je prends les événements avec cette joie, plutôt que de les prendre avec soucis, préoccupations, etc., avec tous ces mécanismes qui vont faire que je vais souffrir, eh ben, je passe à côté de la souffrance. Au même titre, si je reste concentré sur ma souffrance comme un état de fait, je passe à côté de la joie. Alors, pourquoi me mettre en colère? Pourquoi me faire du mal? Tout ça parce que l'autre en face ne me reconnaît pas ou ne reconnaît pas ce que je dis ou ce que je fais. En quoi est-ce si important que l'autre reconnaisse mes valeurs ou mes qualités ou mes actions? En quoi est-ce si important? J'ai besoin de l'autre pour être, pour exister. J'ai besoin de la validation de l'autre pour exister. Non, c'est que je ne suis pas encore autonome. Je ne suis pas encore dans cette autonomie spirituelle, cette force de l'esprit qui me fait être ce que je suis ici maintenant et indétrônable dans mon être. Quel que soit ce qui se passe autour de moi, je reste centré sur le calme. Et j'arrête toute cette tergiversion intellectuelle de chercher qui a fait quoi, qui est responsable de quoi, pourquoi c'est un tel et pas un tel, et pourquoi moi dans tout ça je me mets en colère, et pourquoi je souffre. Il est impératif à un moment de prendre cette décision et de lâcher ça. Sinon, il y a toujours cette nourriture de l'ego qui se manifeste et qui sera de toute façon, à un moment ou à un autre, mécontent, pas reconnu, pas nourri, pas aimé, pas ceci, pas cela. Il y aura toujours une démangeaison quelque part qui va faire que, voilà, je vais créer des souffrances puisque je ne suis pas nourri à la hauteur de ma, on va dire, de ce que je devrais être nourri. Mais quelle est cette conception? Quelle est la quantité d'amour que je dois et de reconnaissance que je devrais recevoir pour être heureux? Parce que si vous arrivez à quantifier cela, alors là, chapeau. Non. Parce que si vous cherchez toujours la reconnaissance à l'extérieur, ben en fait, ça crée de la procrastination, ça crée de la faiblesse, ça crée de la paresse. Puisque je ne suis pas capable de faire les efforts nécessaires pour la nourrir intérieurement. Vous comprenez le mécanisme? Et comme je n'ai pas cette force pour la nourrir intérieurement et que j'attends qu'elle vienne de l'extérieur, ben quand elle vient pas d'extérieur, forcément, ben ça me fait du mal à l'intérieur. Et pour peu que j'extrapole un peu tout ça, ben ça me crée de la colère. Je suis mon propre piège. Il n'y a pas 36 solutions. Alors, il y a ceux qui tombent dedans spontanément et naturellement, un peu comme Obélix dans la potion magique. Et ces gens-là, jamais ne se mettront en colère de toute leur vie. C'est pas pour autant qu'ils vont pas vivre des contractions ou des frustrations. Et au combien même s'ils en vivent pas, bah, tant mieux. C'est très beau. Ce sont quand même une minorité. Surtout dans nos sociétés occidentales. La majorité, et dans le non-accueil, n'est pas dans la bienveillance, et dans la quête du confort, et dans le négativisme, et dans la colère, et j'en passe, et des meilleurs. Alors, rions-en. Hein? Ce n'est pas pour nous juger que je dis cela. Hein? Pas du tout. Au contraire, c'est pleinement accueilli, sinon je ne le dirais pas. C'est juste pour que chacun puisse prendre conscience de cette responsabilité que l'on a à devoir, c'est un devoir. Hein, comme d'être un bon citoyen, c'est un devoir. À devoir s'éveiller. À devoir ramollir cet ego qui crée autant de malveillance. Jusqu'à ce que ce même ego, puisqu'on est toujours dans l'ego, se mettent à créer de la bienveillance. Vous voyez, je vous parle même pas d'un éveil total, d'atteindre un nirvana, un samadhi ou je ne sais quoi d'autre. Non, juste de passer d'un ego qui est dans le négativisme à un ego qui est dans le positivisme. Vous voyez, juste de là à là, ting ting, voilà, on switch. Déjà ça, dans une vie, c'est un cadeau fabuleux. Juste ça. Mais rien que ça, pour être totalement dans ce positivisme, rien que ça demande peut-être, suivant les structures mentales, des années d'études et de pratiques. Parce que les couches du mental sont tellement épaisses qu'il est très difficile de lâcher cela. Et puis il y a ceux qui ont ces croyances en disant « Ben non, la colère c'est super, il faut l'exprimer. » Ben oui, bien sûr, absolument. Absolument. Donc je vais continuer à faire ceci ou à faire cela, à faire du mal à l'autre, parce que je ne vais pas faire l'effort, mon ego va quand même pas faire l'effort d'apprendre quelque chose. Non, je préfère rester dans ma colère et l'exprimer, puis voilà, et c'est normal, ça fait du bien. Hein? Ça s'appelle la paresse. Et la suffisance aussi. Hein? On est dans les afflictions mentales, pleinement. Il n'y a pas autre chose, en fait. Donc, quand vous avez compris que je nourris ma colère à partir de mes afflictions, donc à partir de mon ego, je peux nourrir ma non-colère à partir des facteurs positifs, des facteurs mentaux positifs, hein, et de ma volonté à transcender cela à travers les vertus, donc à travers le calme de l'esprit, à travers cette séparation entre la nature de l'esprit et l'ego, hein, afin que l'esprit ne soit plus l'instrument de l'ego, pour pouvoir trouver cette autonomie qui fasse à n'importe quelle situation, va rester calme et centrée et accueillante. Nous sommes chacun responsables de nos souffrances. Donc, si l'autre est en souffrance, c'est bien de l'accueillir dans l'état où il est. Quelle que soit l'expression de sa souffrance, même si c'est de la colère. Bon, bah, vas-y. Exprime ta colère, je t'écoute. Ça t'appartient. Vous voyez, il y a des automatismes après qui vont se mettre en place. Or, je dis pas que c'est facile et que ça se fait systématiquement, hein. Ceci dit, ça vaut le coup d'essayer. Parce que ça aide l'autre aussi à sortir de sa colère. Ce qui ne veut pas dire tourner le dos à l'autre, ce qui ne veut pas dire être débonnaire, n'en avoir rien à faire. Non. Ça veut dire offrir une pleine écoute, une écoute bienveillante, une écoute de cœur à la personne qui est en souffrance et qui exprime l'objet de sa souffrance à partir de la colère. Et pour pouvoir arriver à cela, il est déjà bon de gravir la première marche, c'est-à-dire je prends conscience de mon ego. Ça déjà, ça peut prendre du temps. À partir de la prise de conscience de l'ego, je prends conscience des efforts que je dois fournir pour me libérer de certains voiles illusoires, de l'illusion, qui m'empêchent de me réaliser dans une nature bienveillante. Alors déjà, vous voyez, c'est pas simple, parce que essayer de se libérer de l'ego sans être passé par ces prises de conscience, essayer de se libérer de la colère sans être passé par ces caps de conscience, c'est pas possible, ça fonctionne pas. Ça va durer un temps, un petit temps. Mais le naturel revient vite au galop. Donc, comment changer ce naturel? Comment changer ces mauvaises habitudes en bonnes habitudes? Hein? En fait, il est là le processus. Hein? C'est passer du négativisme au positivisme. À partir du moment où je nourris le positivisme, que j'ai une attitude positive à chaque instant, bon, ben c'est ok, on gère les crises, on gère les drames, on gère les situations, on gère la tempête, on gère le calme, on gère tout ce qui se présente. Pourquoi ? Parce que ce positivisme, cette non-agitation interne, c'est le socle, c'est la fondation, c'est le socle stable de mon assise. C'est là-dessus que je peux me déposer et continuer ma progression dans ce processus d'éveil. Donc il y a cette volonté, cette décision à prendre. Tant que je n'ai pas décidé de m'accomplir dans telle ou telle direction ou dans tel domaine, je ne pourrai me réaliser. Non seulement je dois le décider, mais aussi le nourrir quotidiennement. Sinon, j'oublie, hein, c'est comme les bonnes intentions du 1er de l'an, du 1er janvier. Je vais arrêter de faire ceci, je vais me mettre au sport, j'arrête de manger, j'arrête de tout ça. Et puis voilà, c'est reparti, le prochain anniversaire arrive, c'est-à-dire 4 jours après. Ah bah bon, moi, je commencerai après, parce que là, c'est pas possible, j'ai encore un repas de famille. Et puis en fait, tout ceci n'est que procrastination. C'est que la décision n'a pas encore été prise. Voilà. Si quelqu'un vient vous voir en disant, vous qui êtes aussi des futurs thérapeutes, j'aimerais arrêter de fumer. Ça marchera pas. Il aimerait, c'est tout. J'aimerais peut-être m'éveiller, j'aimerais ne plus être en colère. C'est pas assez puissant. C'est pas assez puissant comme volonté. Votre volonté doit être puissante. C'est pas j'essaye un truc et puis si ça va pas, je fais autre chose. C'est ce qui fait que certaines personnes butinent de chose en chose ou arrêtent des processus en cours de route ou s'éloignent ou font ceci ou font cela parce que leur volonté n'est pas assez puissante. Vous devez affirmer votre volonté, votre intention exactement, tous les jours, à chaque méditation matinale, presque c'est une prière. Et là, je développe la patience, je développe la persévérance, je mets en pratique les enseignements, je me bats avec moi-même. Je suis mon propre combat, je suis mon propre champ de bataille. Il n'y a aucun autre champ de bataille à l'extérieur. Il est là le champ de bataille, il est en moi. Ma capacité d'accueillir, de repousser, de refuter, etc., etc. C'est toute ma capacité que j'ai à être dans une direction, dans une autre, à être ce cheval sauvage au galop, hein, ce singe ivre qui saute de branche en branche, etc., etc. Mais où est la stabilité? Où est la ligne directrice, la main courante qui va vous amener à destination? Sans ça, il est difficile de sortir de sa colère. Sans ça, il est difficile de sortir de ses afflictions mentales. Sans ça, ou sans cela, il est difficile d'arrêter ces mécanismes qui font souffrir. Ce qui est magnifique dans notre conception, hein, de ce moi, c'est que nous sommes tout autant capables de créer ces mécanismes qui font souffrir que ces mécanismes qui créent la joie. Donc, ce sont des processus, des procédés chimiques, hein, tout ça, c'est formidable. C'est extrêmement très bien fait. En tout cas, ça se fait. Mais il y a aussi cette capacité à orienter les pensées, à orienter l'esprit dans une direction ou dans une autre. C'est juste que je dois en prendre conscience. Voilà, vous avez travaillé toute la semaine, c'est samedi matin, samedi midi, et là vous appelez les copains, tiens, ce soir on se fait un resto, on sort, on va faire un peu la fête. Voilà. Et ça s'organise, ça se fait, le soir vous faites la fête, et le dimanche vous rentrez, et puis le lundi vous reprenez le travail. Vous l'avez décidé, vous l'avez organisé, ça s'est fait. Oui, ça, ce sont des choses pour faire la fête ou pour la colère, ou ça se fait facilement. Ben, c'est aussi facile pour le reste. C'est juste que j'oublie. Comme la colère, elle est impermanente, elle ne dure pas, et qu'après la colère, il y a cette, il y a soi-disant cette culpabilité et ensuite la conséquence de l'expression de la colère. Après, j'oublie. Donc, je ne fais plus l'effort nécessaire pour enlever ce mécanisme de mon être. Jusqu'à la prochaine colère. Et ainsi de suite. Donc, j'oublie mon introspection, j'oublie tout ça. Et je reproduis, je ne fais que reproduire encore et encore. Hein? C'est pour ça que les enseignements doivent être assez puissants pour pouvoir justement transcender cela. Nous avons en nous, au fin fond de notre inconscient, l'accumulation de 7 millions d'années d'existence. Ah, j'étais resté il n'y a pas longtemps à Lucie à 4 millions d'années. Non, là, c'est 7 millions d'années. Ils ont trouvé un crâne qui date de 7 millions d'années. Vous vous rendez compte que Jésus-Christ, si on prend notre ère, c'est le temps, ça c'est en 32 en fait. En fait, le christianisme est arrivé en 32 après Jésus-Christ, donc à la mort de Jésus. Le bouddhisme, c'est 563 avant Jésus, donc on est en 2021, hein, ça fait 2584 années. L'hindouisme, c'est moins 1500 avant Jésus-Christ. Le judaïsme, moins 1800 avant Jésus-Christ. Et c'est très court, c'est hier. Et à 3000 ans, l'humain, il a 7 millions d'années. Donc, ça fait juste à peine quelques siècles que l'on commence à vraiment s'éveiller. Alors, pas étonnant que nous en sommes encore là où nous en sommes. Et c'est déjà très beau, c'est très vite. Hein? N'oublions pas quand même aujourd'hui qu'il y a le 14 juillet, hein, mais qu'en 1945, la dernière grande guerre venait de se terminer. Il n'y a pas très longtemps, hein, il y a moins d'un siècle. Donc nous ne sommes pas loin encore de cette barbarie. Il ne faut pas oublier que dans certains coins du monde, la barbarie est encore là. La colère à son apogée est encore présente. La maltraitance des femmes, la maltraitance des enfants, etc., etc. Tout ça, c'est le fruit de la colère, c'est le fruit de l'ego. Donc, nous sommes à peine, mais à peine, dans cette ouverture spirituelle. Et déjà, nous qui sommes là à étudier, à pratiquer, qui avons pris conscience, c'est déjà la preuve qu'il y a une évolution et que ça se propage. Mais il est difficile, hein, puisque à chaque fois qu'il y a un nouveau-né qui arrive sur Terre, il doit expérimenter de nouveau tout le processus de vie pour arriver à un point culminant où il en a assez de souffrir, et là, tac, déclencher pour commencer son apprentissage d'éveil. Donc ça prend du temps tout ça. Donc sur une vie de 75 ou 80 ans, en fait, pour une personne qui va vraiment vouloir s'y mettre à partir de 35 ou 40 ans, bon, c'est une petite expérimentation et ça recommence et encore. Donc l'enseignement doit être vraiment omniprésent partout. Sinon, on ne fait que reproduire nos travers. Donc voyez la colère comme cette partie de nous-mêmes qui est faible, qui est paresseuse, qui en même temps a une conception de soi-même comme suprême. C'est cette partie de nous-mêmes qui n'est pas très belle. On va employer des mots simples. C'est cette partie de nous-mêmes qu'on devrait tous jeter à la poubelle. Mais attention, parce que elle est raccordée à tout un tas de filiations, de petits mécanismes. Donc ça peut être très, peut être très sournois, vicieux, tout ça. Sans partir dans des explications difficiles, je pense que vous avez tous compris maintenant que si tous les matins vous nourrissez la positive attitude, la bienveillance du cœur, l'accueil, et que vous n'oubliez pas cela, donc vous le nourrissez assez dans la journée pour ne pas l'oublier quand la manifestation arrive, vous allez pouvoir transcender. Parce que vous allez comprendre que vous créez vos souffrances vous-même, parce que vous allez comprendre que la souffrance est un mécanisme, c'est pas quelque chose qui existe dans ma tête, c'est que je me le crée. Hein ? Je peux me créer un monde merveilleux, je peux me créer un monde abominable. Voilà, je suis un vrai metteur en scène, acteur, cinéaste, je crée mes propres décors. Donc il est peut-être temps de commencer à canaliser tout ça, à se calmer, à calmer son agitation, à calmer ses projections, à calmer quelque part les liens avec le passé, hein, les couper. Le passé est passé, c'est bon. Ça reste un beau souvenir ou un mauvais souvenir, mais c'est passé. On n'en parle plus, j'y attache plus d'importance. Je passe à autre chose maintenant. Hein, il est temps de décider tout ça. Sinon, vous allez toujours souffrir. Ce qui est dommage. Parce qu'on n'a qu'une vie, et puis une fois qu'elle est passée, la vie, c'est fini. Hein? Donc, prenez conscience de la préciosité de votre existence, mais marquez-le en gros quelque part. Tant que je n'ai qu'une vie, quitte à la vivre, autant bien la vivre. Et oui. C'est un peu comme si vous aviez qu'un sou en poche. Comment vous allez dépenser ce sou? Voilà. Ben là, il n'y a qu'une vie. Donc, si ça vous plaît de la passer dans la souffrance et à créer vos propres mécanismes et à nourrir vos mécanismes de souffrance, si vous êtes en adéquation avec ça, allez-y. Maintenant, effectivement, si vous décidez de les lâcher, ça va pas être simple. Ça va pas être facile. Ça va vous demander de vous accrocher. Parfois, ce sont des ouragans hein, qu'il y a à l'intérieur de chacun. Mais dites-vous bien qu'après la tempête, c'est toujours le calme. Après, derrière chaque drame, il y a toujours la joie. Donc accrochez-vous à des enseignements, accrochez-vous à cette patience, à cette persévérance. Voilà, et ça prendra le temps que ça prendra, mais en tout cas, vous serez dans la bonne direction. Donc c'est ça qui est important. Hein? Voilà. Donc il est bon de chanter cette part animale qui est en nous. Hein? Elle nous sert pas, en tout cas dans ce cadre-là, elle nous sert pas à grand chose. Hein? Elle nous sert même à rien du tout. Si ce n'est à se faire du mal à soi-même et à faire du mal aux autres. Tout ça pour l'expression de son propre ego. Hein, voyez un petit peu l'égoïsme, voyez un petit peu l'orgueil. Hein, observez un petit peu toutes ces peintures là, qui ne sont pas de très belles couleurs. Il y a des couleurs beaucoup plus vives et beaucoup plus joyeuses que celles-ci. Voilà les amis, la thématique de ce soir, on va pas aller plus loin parce que de toute façon la colère c'est rapide, hein, on fait vite le tour de la colère. Hein, Et c'est surtout que la semaine prochaine, je crois, hein, de mémoire, on va parler de la thématique de la mort. Hein, qui induit. Donc on va dans des thèmes de plus en plus gais. C'est ça qui est chouette. Il n'y a pas plus gai que la thématique de la mort. Seulement, ça dépend de la conception qu'on en a, c'est toujours pareil. Et ce qu'on en fait. Mais c'est puissant, c'est une thématique très puissante. Qui peut vous aider à abolir complètement votre colère et vos souffrances.